enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui comporte du zouk antillais, comme chaque fois, un thème de chanson française à partir du mot couture, un zeste de country et un voyage musical en Islande. C'est la country qui ouvre le bal avec Johnny Paycheck. Prends ce boulot et pousse-le. Take this job and shove it. I ain't working here no more. A woman done left and took all the reason I was working for. You better not try to stand in my way as I'm walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. I've been working in this factory for now 15 years. All this time I watched my woman drowning in a pool of tears. And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say, take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman done left and took all the reason I was working for. You better not try to stand in my way as I'm walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. That foreman, he's a regular dog. The line boss, he's a fool. Got a brand new flat top haircut. Lord, thinks he's cool. One of these days I'm gonna blow my top, and that sucker, he's gonna pay. Lord, I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, take this job and shove it. I ain't working here no more. A woman done left and took all the reason I was working for. You better not try to stand in my way as I'm walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. Take this job and shove it. L'Islande. L'Islande, elle se situe l'Islande entre l'Écosse et le Groenland. Et on recense une population de 300 000 habitants. Pas beaucoup hein, pour un pays. Pour une superficie de 100 000 km², c'est-à-dire un cinquième de la France. Donc, trois Islandais au kilomètre carré, ils ont de la place. Hein. Et pourtant, les deux tiers de la population habite dans l'agglomération de la capitale, Reykjavik. Lors du concours Eurovision de la chanson en 2013, Eitor Inji se classait 17e avec la chanson Egglif. Ég áfram gekk í villu eirðarlaus. Hugsaði ekki um neitt, ekki fram á næsta dag. Einveru og friðsemdina kaus. Ég á líf, ég á líf, yfir erfið leika svíf. Ég á líf, ég á líf, vegna því. Þegar móti mér blæs, yfir fjöllin á ég klíf. Ég á líf, ég á líf, skildi ekki ástina sem öllu reyfir við. Þorði ekki að fann að vera til. Fann sem mætti ekki skilin að opna huga minn og hleypa bjartri ástinni þar inn. Ég á líf yfir erfiðleika svíf. Ég á líf vegna því. Þegar móti mér blæs yfir fjöllin á líki. Ég á líf vegna því. Og ég trúi því. Já, ég trúi því. Kannski opnast farar gáttir himins. Yfir flæðir fegust ástin. Je vais dédier le thème des chansons francophones de ce jour à Fabienne. Fabienne qui m'a suggéré le mot couture pour élaborer ce thème. Alors Fabienne se reconnaîtra bien sûr. Et puis voilà maintenant une artiste québécoise, Sally Folk. Elle est née à Montréal et alors elle se remarque surtout par son style vestimentaire qui rappelle celui des danseuses de cabaret des années 60. Et c'est sans doute pour cela qu'elle nous parle de son tailleur, Sally Folk, mon tailleur. Je prends ses mains. habits toutes les époques. Il suffisait d'y croire pour démentir de vieilles histoires, de vives tendances à proposer. Mon tailleur de la tête aux pieds, lui sait mesurer ma valeur. Oh, que ma vie. Le zouk antillo-auvergnat, ça vous parle? Ça vous parle, Yves? Non, pas trop. Non, mais c'est pas. C'est vrai que l'Auvergne nous avait plus habitués à des bourrés plutôt qu'à du zouk antillais. Cela dit, Élodie Marquand est une artiste métropolitaine originaire de Clermont-Ferrand. Alors, une solide culture musicale, et elle puise son inspiration auprès de Céline Dion. Elle est animatrice radio en Auvergne, bonjour collègue, et elle sort son tout premier album Zouk en 2007, et puis on la voit très souvent aux Enfoirés. Je ne suis pas celle-là, Élodie Marquand. Je suis seulement celle que tu vois. représenter le thème français, la couture, eh bien, nous avons choisi une chanteuse qui est née en l'an 2000. Alors, ça le fait quoi? Ça le fait 18 ans. Elle est née en l'an 2000 à l'île Maurice. Et à 15 ans, elle a participé à The Voice Kids. Elle faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Et figurez-vous qu'elle a gagné la saison 2015. En 2017, elle est nommée artiste pour la paix par l'UNESCO. Jeanne Constance, la couturière. Il y a cette robe qu'elle ne porte pas, pourtant si belle, travail de ses mains, tout comme ce beau foulard en soie, porté par un mannequin de bois. Elle sait que la vie ne tient qu'à un fil. Porter sa croix n'est pas si facile. Tu sais, la couturière est si fragile. Avec elle, été le son jamais jeté. Avec elle, le temps peut s'arrêter. Mais les aiguilles continuent de tourner. La couturière, oui, elle a comme des envies d'ailleurs. Coudre sa vie dans un autre décor. Sortir de l'ombre, voir un peu de couleur. Mais le soleil, elle ne le voit pas. Toujours couché, qu'importe l'heure qu'il soit. L'océan, la couturière ne connaît pas. Le bruit des vagues, elle ne l'imagine même pas. Oh, oh, oh. Sa vie au bout de ses doigts, pour celle de sa famille à bout de bras. Comme un fardeau, la tête haute, comme si tout était de sa faute. Bien plus de larmes et d'étoiles dans les yeux. Elle sait que la vie n'est pas un jeu. Fait pour tous nous rendre heureux. Avec elle, des leçons jamais jetées. Avec elle, le temps peut s'arrêter. Aiguilles continuent de tourner, la couturière. Oui, elle a comme des envies d'ailleurs. Coudre sa vie dans un autre décor. Sortir de l'ombre, voir un peu de couleur. Mais le soleil, elle ne le voit pas. Toujours couché, qu'importe l'heure qu'il soit. L'Islande, bah oui, c'est un tout petit pays, mais qui mérite quand même qu'on en parle. C'est une terre de contrastes et de tous les excès, l'Islande. En effet, on y trouve le plus grand glacier d'Europe, la plus puissante chute d'eau, la plus grande caldeira d'Europe. La caldeira, c'est une vaste dépression circulaire. Et la plus grande coulée de lave au monde des temps historiques, et la plus longue taille éruptive du monde, la faille Helgja. La chanteuse Selma Björnsdóttir a représenté deux fois l'Islande, en 1999 et en 2005, avec des chansons interprétées en anglais. Ben, c'est dommage. Elle s'est classée respectivement 13e et 10e. Nous avons préféré une chanson interprétée en islandais, Selma Björnsdóttir. sevi sava nubi abadaba lili lo lo tubi ubi wala nubi abanaba sing you moka lit la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Allez, du zouk martiniquais maintenant, Princess Lover est considérée comme la plus belle voix du zouk des années 2000. Très appréciée du milieu antillais, elle jouit d'une popularité incontestable. Princess Lover, Vini. Princess Lover. Layo, dis-moi que où t'es retourné. Vive, la nous grandit, la histoire en nous est terminée. On sentit respiration en moi coupée. Tout souvenir vient lui monter. Mais tant moi en échappir. Sans songer, vini, vini, tout près de moi. Islande, des paysages spectaculaires composés de volcans, des geysers, des sources chaudes et des champs de lave, ainsi que d'immenses glaciers protégés. À ne pas manquer, le musée national et le musée des sagas qui retracent l'histoire viking du pays. Et dans un style traditionnel islandais, Olof Arnalds. Fjögur bærast hægt ferðin senn á enda kvíðið því að landa veld mér ekki á fætur því að ljósið mitt flægt við þinn undur bjarta samljómið morguninn sumt sagt en flest sagt segi ég sem minnst enginn veit hvað annað finnur eitthvað annað sanna hvað ég stilli mig þá vegst þetta innst inni óstjórnlega bjart og alveg helgað þér Þögnin hreyfist út sofin rödd Rífur einbyttingar suðið inn í annan dag Ég held með ugungri Aftur ég sé þig hverfa Ég sé þig snúa aftur, ég finn mig snúa aftur Ég finn mig birtast með þér, ég finn mig hverfa með þér Ég sé þig hverfa frá mér, ég veit að ég frá mér Að elska þig Snerting augnaráð í mist heitt og kalt Engin leið að skilja, bannað að vilja Undarlegur óskundi að hjarta mitt sé fart Fyrir orð sem meika litlega enga stóð Tjaldi Fellur augun opnast hægt Undrandi í nýju ljúsi Yfir sviðna jörð Ég lít og undrast hugar Flug mitt aftur Ég sé þig hverfa aftur Ég sé þig snúa aftur Ég finn mig snúa aftur Ég finn mig birtast með þér Ég finn mig hverfa með þér Ég sé þig hverfa frá mér Og verða hverfa frá þér Ég umvef hjarta mitt Premier groupe de l'histoire de la country a rencontré un réel succès Bon, il faut dire que la notion de groupe est plutôt réservée au rock. Et là, c'est un groupe de country, Alabama, qui nous interprète Down Home. Just off of the beaten path, a little dot on a state road map. That's where I was born and where I'll die. Things move at a slower pace Nobody's in the rat race And these days that's a special way of life Down home Where they know you by name and treat you like family. Down home, a man's good word and a handshake are all you need. Folks know if they're falling on hard times, they can fall back home. Those of us raised up down home, in the corner of the hardware store, gathered round a checkerboard, old men telling lies and crowning kings. Kids driving down the old town square, cops roll down in the cool night air. Go and see what's shaking at the Dairy Queen. Down home, where they know you by name and treat you like family. Down home, a man's good word and a handshake are all you. Falling on hard times, they can fall back home. Those of us raised up down home. When I was a boy, I couldn't wait to leave this place. But now I want to see my children raised down home. Le thème français consacré à la couture, voilà maintenant une magnifique chanson inspirée du folklore israélien et qui nous transporte dans l'univers féerique d'un mariage en Galilée. Dalida, tire, tire l'aiguille. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon amie. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites des paillettes de diamants. Est entre les mains de ta maman. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, la lumière de la lampe fume et chancelle. Tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami. Demain, il faut être jolie. Semez votre route de bonheur. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Du zouk ultramarin maintenant. Fanny G est née en 1987 à Cayenne, en Guyane. Ben non, il n'y a pas que des bagnards. C'est fini, les bagnards. Bon, et Fanny G, à 25 ans, c'était en 2012, investit la salle mythique de l'Olympia, gonflée, non ? Et la salle était pleine. Aucune larme, Fanny G. entendrait bien un dernier country pour la route, oui. Eh bien, pour ce chanteur, 50 millions de disques vendus, il a reçu l'honneur de voir son nom inscrit sur le prestigieux Walk of Fame à Hollywood. Vous savez, le fameux trottoir aux étoiles, ce trottoir qui rend hommage aux plus grandes personnalités du monde, eh bien, c'est Monsieur Alan Jackson. Have had a ball last night. I can't recall what even started our fight. I must have drank away my blues, 'cause I don't remember losing you. Well, I must have done the town upright, 'cause this morning my hat's just a little too tight. There ain't no way of knowing, but all the signs are showing I must have had a ball last night. Well, I woke up this morning underneath my bed, and someone's in the kitchen sink, with cowboy boots on and nothing else at all, except my hat turned backward on her head. Yeah, I must have had a ball last night. I can't recall what even started our fight. Well, I must have drank away my blues, 'cause I don't remember losing you. Well, I must have done the town upright, 'cause this morning my hat's just a little too tight. There ain't no way of knowing, but all the signs are showing I must have had a ball last night. Pictures on the table, somebody tore it right in two. But who'd do such a crazy thing? Someone took your suitcase and your little car, and I hate it 'cause the tires are new. Yeah, I must have had a ball last night. I can't recall what even started the fight. I must have drank away my blues, 'cause I don't remember losing you. Well, I must have done the town upright, 'cause this morning my hat's just a little too tight. There ain't no way of knowing, but all the signs are showing I must have had a ball last night. Islande, Islande, quel souvenir à ramener d'un voyage en Islande. Bah oui, il faut ramener des souvenirs pour faire voir aux copains. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. Alors, je ne sais pas si on ramènera des piqûres de moustiques, sans doute. Mais la lave de volcan ne manque pas en Islande. Alors, que pensez-vous d'un bracelet ou d'un collier en pierre de lave? Ah bah oui. Ou alors un pull islandais en laine islandaise, réputée pour être une des plus naturelles du monde. Et puis la peluche de Puffin. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Puffin. Ben, Puffin, c'est l'emblème de l'Islande. Les Puffins, ben, ce sont des oiseaux macareux moines. Voilà. Ben, c'est bon, vous pouvez ramener là maintenant. Sunbreed, Nana Brindis, Ilma. Thank you. got everything I need. In the backseat of my car, got plenty of sweaters. I got those CDs that you like and all the songs we sang last night, and I got you. And sometimes you frown, and sometimes you look scared. Well, I am too. I'm scared that no one will be there. I'm scared that no one really cares when it gets rough. And I'd love for you to stay, but how do you feel? Now how do you feel? Yeah. And I'd love for you to say just how you feel, just how you feel. Instead of walking away and just say anything, anything would be fine. Now anything would be fine. I'd love for you to say anything. And now we're right back at the start, where it started before, where it began. With all those awkward silences and all those awkward moments that I wish would never, ever, ever, ever pass. And I'd love for you to stay, but how do you feel? Oh, how do you feel? Yeah. And I'd love for you to say just how you feel, just how you feel, before you walk away and just say anything. Anything would be fine, no, anything would be fine, yeah. Cause I'd love for you to say anything, yeah, yeah. And she said, how do you do? How do you do to do this? How do you do to do this? How do you do? How do you do? How do you do? To do this, how do you do? To do this, now how do you do? How do you do? How do you do? To do this, how do you do? To do this, how do you do? And what do you do? Do best to me. Voilà, j'ai laissé le soin à Marie-Paul Bell de conclure cette nouvelle émission de Patchwork. Alors c'est une chanson qui a été composée par Léo Lefebvre sur des paroles grivoises de Paul Marinier, chanson créée en 1912 par une certaine chanteuse qui s'appelait Mademoiselle Alems. Elle a été reprise depuis par Annie Cordy et plus récemment par Marie-Paul Bell, la biaiseuse Marie-Paul Bell. Pour la journée de 8 heures et le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec ardeur, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents ne voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Dans les grandes maisons de couture, y en a qui sont trop tard. Y a des vendeuses et par nature, y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en billets. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec ardeur, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents voient pas rentrer, ils disent y'a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Je vais m'établir bien vite, me marier, quel bonheur, avec un garçon plein de mérite qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Parrain. Pour mon métier j'ai le béguin. C'est ça qui sera gentil de ma foi. On fera tout l'ouvrage chez soi, en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, on se partagera le turbin. Afin de ne pas nous esquinter lorsque j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à plisser. Voilà. Il est temps de se quitter. Je vais remercier Yves pour sa prestation technique. Et puis je vous remercie également vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et si vous le souhaitez, vous retrouverez Patchwork dans 15 jours, au même endroit, même heure. Patchwork dans 15 jours, ça sera, le voyage sera en Albanie. Et puis dimanche prochain, ben, je compte sur vous pour la cerise sur le canto. N'oubliez pas, nous avons ouvert une page à Facebook, la cerise sur les cantos-patchwork. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Paget 94.2. Au revoir.